Je me réjouis et je m'égaye pour un amour que je n'ai pas. La seule trace de son pas met dans le sable une merveille. Le sable, la mer, le polie. Mais je me souviens toujours d'elle et je ris à son pied joli, joli autant que tout en elle. Je me réjouis tout en rêvant à la musique qui s'envole. Et sur l'aile de ses paroles, je lui dis bonjour dans le vent. Sur les bois et sur les campagnes, le vent s'en vient, le vent s'en va. Il n'y a ni mer ni montagne pour un amour que je n'ai pas.